إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. On a vu dans la leçon précédente ce qu'avait mentionné l'imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala lorsqu'il a mis en garde contre les petites nouveautés, sirar al-muhdathat min al-umur, car il a mentionné que ces petites nouveautés deviendraient des petites innovations et qu'ensuite elles deviennent grandes. Et ensuite il a mentionné que ces petites ambiguïtés qui sont semblables à la vérité, parce que les gens ont fait passer le faux pour le vrai, et le vrai pour le faux, alors qu'elles n'ont rien à voir avec la vérité, cela rentre dans le cœur de la personne, jusqu'à ce qu'il ne peut plus en sortir de cette chose-là, de cette ambiguïté. Et elle reste dans le cœur, et elle se nourrit, jusqu'à que cette bid'a devienne toute sa religion. Car il n'y a pas une bid'a chez une personne sans que Allah Azza wa Jalla lui enlève une sunna pareille, de même. Et ainsi, toute sa religion devient une innovation. Et ainsi, il est sorti, il a contredit le droit chemin et il est sorti de l'islam. Ça, c'est, on avait vu le tafsil, quand une personne n'a plus rien à voir avec l'islam. وقال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار لا تستعجل فيما تسمع من الناس خصوصا عند تأخر الزمان وكثرة من يتكلم ويفتي وينتصب للعلم والقول Ne te précipite pas. Lorsque tu entends une parole, l'imam Barbahari donne comme conseil, regarde. Rahimakallah, tout ce que tu entends comme parole des gens de ton époque, plus particulièrement des gens de ton époque, ne te précipite pas. Et ne rentre pas là-dedans. Et ne reste pas accroché à cette parole tant que tu n'as pas regardé deux choses. La première, هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. Est-ce que un parmi les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام a parlé de cette chose-là? Ou bien est-ce qu'un parmi les savants en a parlé? Min al-ulama. C'est ce que disait l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimallah. Iyyaka an tatakallama fi mas'ala laysa laka imam qablak. Ou kima qala. Ça, c'est des repères que les gens de la sunna, ils donnent, des ulama de la sunna. Et c'est pas nous qui allons apprendre aux savants de la sunna qu'est-ce que la sunna. C'est pas nous qui allons apprendre aux savants de la sunna comment protéger la sunna. C'est pas nous qui allons apprendre aux gens de la sunna, aux savants de la sunna, comment propager la sunna. Et comment préserver la sunna? Et comment faire connaître la sunna aux gens? Alors ici, il donne une règle très simple. Quelqu'un te parle d'un sujet, tu as entendu un sujet, tu as lu deux choses. Est-ce que cette parole est devancée par la parole de Sahaba radiallahu ta'ala anhum? Est-ce que cette parole a été devancée par la parole des ulama? Comme disent les savants, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Hein? Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est pas parce que le titre il t'a plu, ou le livre il t'a plu, ou la petite parole elle t'a plu, ou la tête de la personne qui te parle elle te plaît, ou son sourire il t'a plu, ou je ne sais quoi d'autre t'a plu, qu'il dit forcément la vérité. Nattabi'u al-haq. On suit le haq, on suit pas les gens. Voilà pourquoi il dit ici, Cheikh, ne te précipite pas jusqu'à lorsque tu as entendu parmi les gens, et surtout en cette fin des temps, beaucoup parlent, beaucoup font al-fatwa, beaucoup font en sorte de faire croire qu'ils ont du ilm ou bien qu'ils ont... ils font croire à des choses lorsqu'ils parlent. Kulun وصار كل يهذو ويتكلم باسم العلم وباسم الدين حتى أهل الضلال والفرق الضلة والمنحرفة صاروا يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائيات فالخطر عظيم جدا فعليك أيها المسلم وطالب العلم بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع عليك بالتثبت ومعرفة من الذي قال هذا ومن أين جاء هذا الفكر ثم ما هي مستنادته ودلته من الكتاب والسنة ثم أين تعلم صاحبه وعمن أخذ العلم فهذه أمور تحتاج إلى تثبت خصوصا في هذا الزمن خصوصا في هذا الزمن. Aujourd'hui, des gens ou des groupes parlent au nom de l'islam, parlent au nom de la science, au nom de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ainsi les gens de l'égarement et les gens des sectes égarées et qui changent la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala parle au nom de la religion aujourd'hui. Et ceci est un grand mal. Ainsi tu te dois, quel que soit ton niveau dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit ton niveau de science, de vérifier si ce que tu entends est correct. De vérifier. Et de ne pas te précipiter avec tout ce que tu entends. Tu te dois de vérifier, de connaître qui est celui qui a mentionné cette parole. D'où tient-il ce courant de pensée? Aujourd'hui, on trouve des gens qui ramènent des qawaid, qui n'existent même pas. Ils ramènent des règles dans la religion d'Allah. Ils ramènent des règles fil manhaj, qui n'existent pas. Inventées par le mubtadi'a eux-mêmes. Vérifie. Va vérifier ce que les ulama disent sur cette parole. Ne prends pas comme ça, ça y est. Parle avec toi, tu prends... Et tu en fais ton mode de vie, tu en fais ton din, tu en as fait une règle pour ta religion, alors qu'Allah Azza wa Jal n'en a jamais fait une règle pour sa propre religion, subhanahu wa ta'ala. Wa min ayna jaha hadha al-fikr. Vérifie d'où vient cette manière de penser. Est-ce qu'elle est conforme à fikr salaf, radiallahu ta'ala anhum? Est-ce que les ulama ils en ont parlé? Est-ce que l'adilla, ils sont tirés du Coran et de la Sunna? Taïb, s'ils sont tirés du Coran et de la Sunna, est-ce que l'istidlal, il est correct? Avoir de dalil, c'est une chose, mais l'istidlal, c'est une autre chose. Si tu interroges le Mubtadi'a, ils vont te ramener de dalil. Ils vont te ramener des ayats du Coran, ils vont te ramener des hadiths du Prophète, ils vont te ramener des athar al-salaf. Mais l'istidlal, il n'est pas correct. la manière de prouver, elle n'est pas correcte. On a pris le texte et on l'a mis à un endroit qui n'est pas sa place. Ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu prouver avec sa révélation, ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu prouver avec ce verset, ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu prouver avec ce hadith du prophète alayhi salat wa salam, toi tu en as détourné le but et tu as voulu prouver autre chose. Pourquoi ? Parce qu'ils font ce que l'on a déjà dit, comme l'ont mentionné les ulama, parce qu'ils croient en une chose, et c'est seulement après qu'ils vont aller chercher le dalil. Alors que Ahl-Sunnah font le contraire. Nous, on croit parce qu'il y a le dalil. On ne ramène pas une règle comme ça et après on va aller chercher l'adil. On ne ramène pas un fikr, une manière de penser, et après on va aller chercher l'adil. Non. On pense parce qu'il y a. Il y a le dalil qui le prouve. Et le dalil, c'est ni toi ni moi qui l'avons trouvé comme ça. Min aqwal al-ulama wa ahli al-ilm. Ne crois pas que tu aimes la sunna mieux que l'ulama, plus que l'ulama. Ne crois pas que tu as plus de soucis pour la communauté musulmane et pour les jeunes musulmans que l'ulama. Et regarde auprès de qui il prend sa science. Et surtout, on a besoin aujourd'hui de vérifier toutes ces choses-là. Et encore plus dans le temps et l'époque à laquelle on le vit. فَرُبَّمَا يَكُونُ كَلَامُهُ قَلِيلًا لَكِنَّهُ فَقِيهُ. Parce qu'en vérité, la personne, elle peut parler autant qu'elle veut. Il y a une chose qui va faire la différence, c'est al-fiqh. Yani al-fahm. Kayfa yafham. Il parle avec de beaux discours, il est très fort dans la langue arabe, il est très fort dans le Coran, il est très fort dans le hadith. Il a du hifz. La première chose qu'on regarde, c'est al-fiqh. Yani bil-ma'na al-fahm. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Yani al-fahm. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith ? في الصحيح البخاري في كتاب العلم celui à qui Allah lui veut du bien يفقه الفقه بالمعنى الفهم il lui fait comprendre la religion. Est-ce qu'il a dit il lui fait apprendre par cœur? Non. Il le fait bien parler? Non. Il le fait beaucoup parler? Non. يفقه في الدين. Il lui fait comprendre cette religion. والفقه في الدين قال أهل العلم في كلام العلماء في هذا الحديث في شر الحديث قالوا الفقه في الدين الفهم والعمل به. الفهم والعمل به. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla te fait comprendre cette religion, ça veut dire qu'il te fait la comprendre, mais il te fait l'appliquer aussi. Il te fait appliquer cette religion. فربما يكون كلامه قليلا لكنه فقيه. Il se peut que quelqu'un a très peu de paroles, parle pas beaucoup, mais il comprend. Il comprend nos sources, il comprend les textes. وربما يكون كلامه كثيرا لكنه جاهل ليس عنده شيء من الفقه. معروف. هذا معروف. C'est ce qu'il y a de plus connu. Des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui débitent. Même ils te ramènent ayam au Coran, hadith, قال الله, قال الرسول, قال, لكن ما يفهم. Mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Il ne maîtrise pas ce qu'il dit. Parce qu'il ne comprend pas les textes. Il a les textes, et il les balance comme ça, il débite dans sa parole, les textes il fuse dans sa bouche, لكن ما يفهم. Si tu l'interroges sur l'aya ou le hadith qu'il a mentionné, ما يفهم. Il ne comprend pas. لماذا? Ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui a appris par cœur, mais qui n'est pas revenu au ulama pour comprendre les textes. Ainsi, il pense qu'il a du bagage, qu'il a du ilm, Et en fait, il est tout seul dans cette chose-là. Et il apprend, il apprend, il apprend, il apprend, il apprend, il apprend, il apprend, mais il ne revient jamais aux ulama pour comprendre ces textes religieux. Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimallah, lorsqu'un frère lui demanda par rapport au hifz, le fait d'apprendre par cœur, il a dit dans la réponse, celui qui connaît al-qawa'id ou al-usul, connaît des bases, des règles de base, il pourra mieux répondre aux questions des gens que celui qui connaît par cœur les textes, mais qui ne sait pas manier ces textes-là, parce qu'il a, il n'a pas de base. Il n'a pas de usul, il n'a pas de base, il n'a pas de repère, il n'a pas de qawa'id, il n'a pas de règles. Donc ainsi, il a des textes, mais il ne sait pas comment s'en servir pour pouvoir répondre à une personne. C'est pour ça que tu peux trouver des gens qui ont du hifz, qui apprennent tout ce qu'ils lisent, ils l'apprennent par cœur. Mais lorsqu'il va répondre à une question, il va faire une grande erreur. Parce qu'il n'a pas vu un grand savant avant lui qui lui a expliqué ce texte-là. C'est de lui-même qu'il manie les textes religieux. Al-Nusus, ayat min al-Qur'an, ou hadith, ou athar, ou aqwal ulama, même les paroles des savants. Certains prennent la parole des savants, ils la sortent du contexte et ils la mettent dans un autre sujet. Ou bien le shir, il a donné le fatwa, il a donné une fatwa, il se peut que cette fatwa elle est pour un cas bien précis. Et lui, il l'a laissé, il a donné cette fatwa à tout le monde. بل عنده سحر سحر الكلام. Mais celui-ci il a quoi? السحر, de la sorcellerie dans la bouche. C'est-à-dire en parlant, il arrive à transformer les gens. Il arrive à orienter les gens. Et certains juste en parlant, بالكلام فقط. Il parle, il parle, il parle, il parle, il parle et les gens sont ébahis. السحر في الكلام, il a de la sorcellerie sur la langue. Il parle tellement bien que les gens suivront tout ce qu'il dit. Ils suivront tout ce qu'il dit. Et même si la vérité parvient, leur parvient, ils diront non, non. As-salallahu alayhi wa alayhi wa sallam. وقال الشيخ وهذا هو الواقع في زماننا يكثر الكلام ويقل العلم ويكثر القراء ويقل الفقهاء والفقه ليس هو بكثرة الكلام أو كثرة القراءة أو جودة الكلام. Et c'est ce qui se passe à notre époque. On trouve beaucoup de paroles et très peu de science. Beaucoup de lectures et très peu de compréhension. Or la compréhension n'est pas, ne représente pas beaucoup de paroles. Ce n'est pas parce que la personne elle parle beaucoup et elle débite beaucoup de choses qu'elle comprend. Ou bien beaucoup de lectures. Ce qui compte, c'est le fahm, al-fiqh fi din, c'est que tu comprennes ta religion. C'est la chose primordiale. Sans fahm, sans compréhension, tu ne pourras pas appliquer convenablement. Or les textes du Coran et de la Sunna, en plus de l'istidlal, c'est-à-dire en plus d'argumenter avec, en plus d'argumenter avec, tu te dois de les comprendre et de les appliquer. S'il n'y a pas de fahm, il n'y a pas d'istidlal. S'il n'y a pas de fahm, il n'y a pas d'amal. S'il n'y a pas de fahm, il n'y a pas de da'wa. Si tu ne comprends pas ce que tu lis, tu ne comprends pas les textes religieux, les versets du Coran, tu ne comprends pas les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, tu ne comprends pas kalam al-ulama, tu ne peux pas te servir de ces textes-là pour expliquer quelque chose ou pour argumenter ce que tu dois argumenter. Tu ne peux pas appeler à ce dont tu dois appeler tawhid wa sunnah, étant donné que tu ne comprends même pas les textes que tu as en face de toi. كيف الإنسان يدعو إلى التوحيد وما يفهم التوحيد. Comment quelqu'un peut appeler le tawhid alors qu'il ne comprend pas le tawhid? Il ne comprend pas les ayats du Coran qui parlent de tawhid. Kayfa? Donc tout est basé sur quoi? Le fahm, le fiqh. Tu ne pourras pas appliquer. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas appliquer un texte. Tu ne peux pas appliquer un verset du Coran si tu ne l'as pas compris. Tu ne peux pas appliquer un hadith du prophète alayhi salatu wassalam si tu ne l'as pas compris. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من فصيح اللسان الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها وحذر من هذا وهذا وقال إن من البيان لسحرا يعني يسحر الأسماع. C'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a prévenu contre ceux qui tournent leur langue. Comme la vache, elle fait avec sa langue. Tout le monde voit une vache, comment elle fait avec sa langue? Vous regarderez, Inch'Allah. Yani, sa langue, elle tourne beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il y a dans le discours la sorcellerie. Comme discours, la sorcellerie. La sorcellerie, yani, bil-lisan. Dans quel sens? C'est qu'il parle tellement bien qu'il a ensorcelé l'écoute des gens et qu'ils suivent tout ce qu'il dit. Même s'il dit le batl, ils le suivent. Les gens, ils sont de différentes sortes devant quelqu'un. Il y a celui qui est posé, qui écoute attentivement, mais qui n'a comme guide que Al-Kitab wa Sunnah wa l'ulama, Kalam al-ulama. Ainsi, quand il est assis et que quelqu'un lui parle, il compare toujours avec le kitab, kitab Allah Azza wa Jal. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. Parce que la meilleure des paroles, la parole la plus véridique, c'est le livre d'Allah. Ainsi, la parole de l'insan, la parole de la personne, il peut se tromper, elle peut comporter des contradictions, ou des erreurs, ou des manquements, ou un problème de compréhension. Alors que كَلَمُ اللَّهِ, c'est كَلَمُ اللَّهِ. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. La meilleure, la parole la plus véridique, c'est la parole d'Allah, Azza wa Jal, qui est parfaite. Tabaraka wa ta'ala. Ainsi, il va comparer avec le Coran, il va comparer avec la Sunna. Et il saura si la personne qui est en face de lui dit la vérité. Il y a celui qui est jahil. Il s'assoit, il écoute. Et pour lui, il n'a rien vu de mauvais ou de mal. Ou de choses à réprimander. Ou de choses à pouvoir conseiller la personne sur telle parole ou telle parole. Pourquoi? Parce qu'il est jahil, il est ignorant. Il n'a pas assez de science pour pouvoir يفرق بين الحق والباطل الفرقان, ce discernement, il n'a pas le discernement pour distinguer du vrai du faux, parce qu'il est ignorant. ومن يتبع الهوى. Il y a celui qui a vu que des choses n'allaient pas, mais qui préfère suivre sa passion et son amour pour la personne. Et on a déjà parlé de ça dans les cours précédents. وقوله الإمام البربهاري رحمه الله فانظر رحمك الله كلما سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه. هذا في وقت المؤلف, والمؤلف يكاد يكون معاصرا للإمام أحمد رحمه الله لأنه من تلامذه يعني تلامذ الإمام أحمد. ويقول لا تعجل في قبول كلام أهل زمانك حتى تتثبت منه. أين هو من عصرنا الآن, عصر الأهوى وعصر الجهل؟ Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Al-Fawzan, ici? Lorsque l'imam Barbahari, il dit, chaque parole que tu entends de ton époque, ne te précipite pas, ne rentre pas dans cette parole-là, ne l'accepte pas tant que tu n'es pas vérifié avant. Il dit ça dans son temps. Or, l'imam Barbahari, il est parmi les élèves des élèves de l'imam Ahmed. Wa kana min al-ulama, min ahli sunnah. Il était parmi les gens de la sunna et c'était un savant. Ainsi, ils savent mieux que nous comment préserver la sunna auprès de toi. Comment préserver cette sunna que tu veux garder? Comment préserver ce tawhid? Comment préserver l'aqidah? Comment préserver le manhaj? Comment préserver le fahm, le fiqh, fi d-din, ta compréhension des choses? C'est ne te précipite pas. Donc qu'est-ce qu'il en est de notre temps à nous, où nous aujourd'hui on vit le temps des passions, le temps de l'ignorance, où les gens confondent tout? On est malheureusement dans une époque où tu entends beaucoup de frères qui disent « La natrolu fil fitna ». On ne rentre pas dans la fitna, lakin, il est là le problème. Lakin. Quand tu dis « on ne rentre pas dans la fitna », pourquoi est-ce qu'après tu parles? Pourquoi est-ce qu'après tu ramènes ton avis? Al-Sunnah, comme disent les ulama, ils sont juste au milieu. Quand il y a une fitna, tu commences à ne plus comprendre grand-chose à tous ces troubles par rapport à la dawa, par rapport à la religion, par rapport à plein de choses. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne rentres pas dans le fitna, tayyib. Mais c'est faux de s'arrêter là. Tu ne rentres pas dans le fitna et tu te retournes vers le ulama pour savoir ce qu'il faut faire. Qui eux te diront qu'est-ce qu'il faut faire face à cette fitna, une fois qu'elle aura été expliquée et éclaircie. Et eux, ils te diront ce que tu dois faire. Or, on trouve la majorité des gens aujourd'hui, ils te disent, faut pas rentrer dans cette fitna. Mais ils auraient dû faire ça, ou ils auraient pu faire ça, ou ils ont... Pourquoi tu dis, faut pas rentrer dans le fitna, et toi-même, tu t'avances? Là. Al-Rujou' ila ahli al-ilm, al-Rujou' ila al-ulama, hatta al-da'i fi hadha al-bilad, wajib alayhi al-Rujou' ila al-ulama. C'est obligatoire pour lui. Toute personne qui fait da'wah, ici et ailleurs, il doit revenir au ulama. فالفقه فيه عصمة من الفتن والفقه هو الفهم قد يكون الإنسان كثير الحفظ لكن ليس عنده فهم فيكون هو العمي سواء بل ربما يكون العمي أحسن منه لأنه يتوقف ويعرف جهله هذا هو وهذا لا يعرف أنه جاهل وليست المسألة كثرة الحفظ أو كثرة الكلام والمسألة مسألة فقه. شوف كلام جميل. Cette belle parole qu'il a mentionnée, la compréhension, c'est ce qui va te préserver de quoi? Min al-fitan. Des troubles. La compréhension, al-fiqh, c'est ou al-fahm. C'est donc le fait de comprendre. Et un homme, il peut avoir beaucoup de hifz, apprendre beaucoup de choses. Qur'an, hadith, mutun, tout ce que tu veux. Lakin laysa indahu fahm. Mais il n'a pas de compréhension. Fayakunu huwa al-ammi sawa'an. Alors que l'ammi, celui qui ammi min al-awam, qui fait pas un berth, qui fait pas de recherche, qui lit pas forcément, qui étudie pas forcément. Celui-ci devient meilleur que l'autre. Pourquoi? Parce que yafham, il comprend. Le peu qu'il a, il l'a compris. Et lui, il sait qu'il est jahil. Ce qui lui donne l'avantage sur l'autre, qui a beaucoup de hifz, mais qui malheureusement, dans sa tête, il pense qu'il est alim. Ainsi, il ne se rend pas compte de sa situation. Il a tellement appris qu'il pense, ça y est, il a atteint un niveau. Les ulama le disent. L'ilm, c'est le bahar, c'est la mer. Mais on est encore en train de marcher sur le bord de la plage. Quand des ulama te disent ça, qu'est-ce qu'il en est de nous? Après, il peut y avoir plusieurs facteurs face à cette fitna. Que l'insan, il pense qu'il est quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de monde autour de lui. Hadi fitna. Comme Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il est sorti de chez lui, les gens l'ont suivi. Qu'est-ce qu'il a dit? La tattabi'uni. Hadihi fitnatun lil matbu' wa dhillatun lit tabi'. Ne me suivez pas. Car c'est un rabaissement pour celui qui suit. Parce que tu te rabaisses, tu cours après lui. Et c'est une fitna. C'est un danger. Pour qui ? Pour celui qui est suivi. كيف الإنسان يعلم الشباب يعلمهم il leur apprend des choses mais jamais il ne leur parle de revenir aux ulama. Jamais il ne leur parle de revenir au livre des ulama. وهو يدعو لنفسه حقيقة أو مذهبه أو منهجه ولا يدعو إلى الرجوع إلى العلماء. Il appelle à tout. Il appelle à lui, il appelle à son groupe, il appelle à son manhaj, il appelle à sa aqida, il appelle à... Mais il n'appelle pas à ce que les gens reviennent aux ulama. Pourquoi ? لأنه يتبع الهوى وحب النفس. Parce qu'il s'aime lui-même et il suit sa passion. Et il pense en vérité, même s'il ne le dit pas ouvertement, il pense qu'il est quelqu'un. Il pense qu'il a atteint un niveau. Alors les ulama, qu'est-ce qu'ils disent ? Quand tu es en train d'apprendre, tu ne dois pas regarder ce que tu as appris. Tu dois regarder ce qui te reste à apprendre. Et ce que tu as appris comparé à ce qu'il reste à apprendre, c'est pratiquement très très très très très peu. Et les gens qui sont autour élèvent la personne. Ils élèvent la personne jusqu'à ce qu'ils la considèrent comme étant infaillible. Wali'adhu billah. Et ils font à cette personne-là ce que les sahaba, radiallahu anhum, n'ont jamais fait au prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'ils font des éloges à la personne, des éloges que jamais les sahaba, radiallahu ta'ala anhum, avec l'amour qu'ils avaient pour le prophète, sallallahu alayhi wasallam, n'ont proféré de telles paroles. Allah musta'an. Ainsi, il sait, le ami, il sait qu'il est ignorant, alors que l'autre ne sait pas qu'il est ignorant. Or, la question ici n'est pas le fait d'apprendre beaucoup de choses ou de parler beaucoup, mais c'est une question de compréhension. C'est une question de compréhension. Fala, qala al-mu'allif rahimallah, fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi shay'in minhu hatta tas'al wa tanzura. هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم هذه وصية عظيمة إذا أعجبك كلام من أحد في الدين أما الكلام الذي في أمور الدنيا فليس موضوع البحث لكن إذا أعجبك كلام في الدين فلا تعجل حتى تنظر فيه هل هو مؤسس على حق وأدلة يعني من الكتاب والسنة أم هو من الرأس ومن الفكر مهم جدا. Ça c'est très important. Ici c'est un grand conseil qu'a donné même Barbahari. Lorsqu'une parole t'a pas t'a bouleversé mais elle t'a étonné, يعني عجيب, ou elle t'a touché cette parole venant de la part de quelqu'un et que cette parole bien sûr elle touche la religion d'Allah. On parle pas des choses de la dunya. Les choses de la dunya, ça ne nécessite pas une grande recherche. Mais lorsqu'une parole, elle t'a étonné, ou elle t'a plu, ne te précipite pas jusqu'à ce que tu regardes cette parole. Est-ce qu'elle est basée sur la vérité et sur des preuves ? Est-ce qu'elle est basée à la haqq ou à l'adillah ? Est-ce qu'elle est basée sur la vérité et sur des preuves ? Ou bien, est-ce qu'elle vient de la tête de quelqu'un, c'est-à-dire de sa manière de penser. Comme il a dit Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, kullu bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement, même si les gens y voient fadlan, du bien. Même si les gens y voient du bien. Ce peut l'insan, il va te dire non, mais ça c'est bien. Wallahi, il a dit une parole, wallahi, ajib jiddan, ajib, masha'Allah, mufid. La yahi. Regarde d'abord. Ne regarde pas celui qui te parle, mais écoute ce qu'il dit. Comme ils ont dit salaf. Ne regarde pas celui qui te parle. Yani, ne te laisse pas influencer par l'éloquence, par sa manière de parler, par le son de sa voix. Ou, comme on entend souvent, Allah al-Musta'an, écoute la cassette, tu vas voir, masha'Allah, comment il pleure. Qu'est-ce qu'il fait, نطلب العلم. C'est pas des sentiments qu'on demande, on demande de la science. Le cœur des gens ne changera pas illa bit-tawhid wa sunnah. Wa at-tawhid wa sunnah fi kitab Allah wa al-Qur'an wa hadha al-ilm wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Hadha ilm. Al-ilm qabla al-qawl wa al-amal. Comme قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. C'est des sentiments qu'on a besoin? C'est des histoires qu'on a besoin? Vous croyez que les histoires vont changer votre vie? Tu crois qu'avec des histoires, tu vas tenir les épreuves de la mort de tes proches? Ou bien de perdre ta maison, ou de perdre ton épouse, ou de perdre des enfants, ou de perdre quoi que ce soit? Tu crois que c'est avec des histoires que tu vas tenir des épreuves comme ça? La, illa bil aqidati sahiha, bil tawhid. As-sahaba radiallahu anhum, tout ce qu'ils ont subi, ils l'ont tenu avec tawhid. Et c'est ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les prophètes, ont commencé par tawhid. Et dans tawhid, il y a tout. Il y a tout. Ne crois pas que tu changeras les gens par autre que tawhid. Ne crois pas que tu vas unir les musulmans sur autre que tawhid. Jusqu'à maintenant, les gens, ils ont essayé, ça n'a rien donné. Comme l'ikhwan, l'ikhwan muslimin. Depuis combien de temps ils veulent réunir les gens? Ils sont toujours pas arrivés. Parce que tout est basé sur du faux. أما إن كان مؤسسا وموصلا على الكتاب والسنة فهذا حق. Mais si la chose est basée sur le Coran et la Sunna, alors c'est la vérité. فلا تعجل في أخذ الكلام على عوائنه حتى ولو أعجبتك فصاحته وبلاغته وقوته وجزالته لا تعجل فيه حتى تنظر حتى تنظره. Ne te laisse pas avoir par comment il parle, comment il est, etc. etc. Et ne te précipite pas jusqu'à ce que tu regardes. تعرضه على الكتاب والسنة وتنظر من قاله هل هو فقيه أم ليس بفقيه. Et regarde la personne qui dit la parole, est-ce qu'elle est sur le Coran et la Sunna? Et regarde celui qui dit cette parole, est-ce que c'est quelqu'un qui comprend ou c'est quelqu'un qui ne comprend pas? حَتَّى تَسْأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ عَنْهُ. Jusqu'à ce que tu demandes aux gens de science à son sujet. وَتَنْظُرَ هَلْ قَالَهُ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ أَوْ لَمْ يَقُولُوهُ. Et jusqu'à ce que tu regardes chez Salaf, est-ce qu'ils ont mentionné ce genre de parole ou ils ne l'ont pas mentionné. وهذا ما حضرت منه مرات أقول لا تحدث اجتهادات وراء وأقوالا وعبارات لم تسبق إليها خذ القدوة من السلف ومن كلام السلف لو أتيت بشيء لم تسبق إليه فإنه يكون شذوذا وخطره أكثر من نفعه. Ainsi, il va regarder chez Salaf, est-ce que c'est une parole de Salaf? Est-ce qu'elle coïncide avec la parole de Salaf? Et ne te rapproche pas, ne te raccroche pas à quoi? Quelque chose d'étrange, quelque chose de bizarre. Comme certaines personnes, ils aiment bien ramener que des choses bizarres. Tout le monde connaît tel mas'ala comme ça, mais lui, il faut qu'il ramène une chose qui pour épater les gens, pour ramener une exclusivité, pour montrer qu'il n'est pas comme les autres, et on ramène même une chose que le ulama ne ramène pas. الشاذ من جاء بالشاذ فهو شاذ كما قال شعبة رحمه الله كما قال شعبة رحمه الله celui qui vient avec des étrangetés c'est lui l'étranger c'est lui celui qui vient avec des bizarretés bizarré c'est lui qui est bizarre. Pourquoi tu viens avec des choses que jamais les gens n'ont entendues? Pourquoi cette exclusivité? C'est quoi le but? C'est ça qu'on demande. C'est quoi le but? Pourquoi tu veux venir avec des choses que les gens n'ont jamais entendues? Pourquoi tu veux ramener des paroles? Le ulama, ils n'en ont pas parlé. Tu crois que toi, tu sais une chose que le ulama ne connaisse pas? Tu crois que cette parole-là, ils n'auraient pas pu la dire? Avec leurs 60 ans de da'wa? Non. Parce qu'ils savent ce dont la personne qui est en face d'eux a besoin. Et qu'elle a besoin de quelque chose de simple. Pas compliqué. Quelque chose de simple. Que la personne, quand elle lit, yefhem. C'est ça le but. C'est de comprendre. Le ulama, il parle de manière à ce que les gens comprennent. Donc ne cherche pas à ramener une exclusivité, ne cherche pas à ramener quelque chose alors que les gens ne vont même pas comprendre ce que tu dis. Combien de cours il y a où tu interroges les gens après? T'as compris ce qu'il a dit? Vous avez compris ce qu'il a dit? Non, on n'a rien compris. Pourquoi vous n'avez pas compris? Parce que c'est un niveau élevé. Il a un niveau élevé, trop élevé, le frère, par rapport à nous. Et vous vous êtes basé sur quoi pour dire qu'il a un niveau élevé? Celui qui a vu l'ulama, celui qui reste avec le mashaïr, qui a vu l'ilm, lui, il va savoir. Pourquoi? Parce qu'il va tout de suite comparer. Il va écouter telle personne, il va écouter l'ulama, qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils font. Il va comparer. Il va recomparer ceux qui sont élevés dans la science à ceux qui sont inconnus dans la science. Et ainsi, il va pouvoir comparer. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ Comme Allah Azza wa Jalla a dit, sont-ils semblables ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Bien sûr que non, ils ne sont pas semblables. Donc ces règles-là qui donnent le ulama comme l'imam Barbahari, rahimahullah fi zamanihi, c'est pas des règles comme ça, tu lis et ça s'arrête là. Non, ça te permet à toi d'être préservé de la fitna et de bien comprendre ce qui se passe autour de toi. فكلام الصحابة هو الميزان لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر قولهم في الآية بماذا فسرها وفي الحديث بماذا شرحه تأخذ من كلامهم وتفسيرهم لأنهم أقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمعوا التأويل والتفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أقرب الناس إلى الحق ولا عبرة بقول من يقول إن الصحابة لا عبرة بهم هم الرجال ولهم أفكارهم ونحن الرجال ولنا أفكارنا والزمان تغير أعوذ بالله الطعن على الصحابة وهذا من صفات النفاق والمنافقين. Ainsi la parole des compagnons devient la balance parce qu'ils sont les élèves du messager d'Allah. Regarde leurs paroles dans les versets, comment ils ont expliqué les versets. Dans les hadiths, regarde comment ils ont expliqué le hadith, et prends leurs paroles et leurs tafsir, car ils sont les plus proches de la vérité, comparés à ceux qui viennent après eux. Car ils sont les élèves de qui? Du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont écouté l'explication et le tafsir de la bouche du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ainsi, ils sont les plus proches parmi les gens, les plus proches de la vérité. Et on ne dit pas comme disent certains, comme les Ikhwan disent, As-Sahaba, yani, ce sont des hommes et on est des hommes. Et ils ont leur manière de penser, et ben nous on a notre manière de penser, parce que les temps changent. Fad-din, baqin, ila an taqum as-sa'a. Or, la religion restera jusqu'à ce que l'heure arrive. Wala yataghayyaru bitaghayyur az-zaman. Et ainsi, cette religion ne change pas. Et elle ne change pas en fonction du temps. Mais elle regroupe tous les temps et tous les lieux. Yani l'islam, hatta taqum as-sa'a. Al-kitab wa sunnah, hatta taqum as-sa'a. Chouf, Isa ibn Maryam, alayhi salam. Lorsqu'il redescendra, il va juger avec quoi? Le Coran, wa sunnatu nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et il va juger avec la sunnah de son frère en prophétie, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le temps change, les lieux ils changent, mais din il ne change pas. Din il reste le même. La ilaha illallah, ça reste la ilaha illallah. Muhammad al-Rasulullah, ça reste Muhammad al-Rasulullah. On ne négocie pas l'aqidah, comme on ne peut négocier le manhaj. C'est comme ça, tu dois t'y plier. La ilaha illallah, kalimatu tawhid, la ma'bouda bihaqin illallah, que tu le veuilles ou non. Le musulman, il se plie à ça. Il se plie au tawhid. Comme il se plie à Muhammad al-Rasulullah, le manhaj al-Sahih. Il se plie à ça. Il ne laisse personne contrarier ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est din. Il ne laisse pas quelqu'un changer son din comme ça. Il ne permet pas à quelqu'un de venir lui changer sa aqida, lui changer son manhaj, pour lui faire plaisir, ou parce qu'il le craint, ou parce qu'il l'aime. A'udhu billah. Al-hubbu fillahi azza wa jal. Wal-bughdu fillahi tabaraka wa ta'ala. وإنما الذي يتغير الاجتهادات البشرية التي تخطئ وتصيب. أما الدين نفسه فلا يتغير لأنه صالح لكل زمان ولكل مكان، لأنه تنزيل من حكيم حميد الله عز وجل. Ainsi, ce qui change, c'est la manière de l'effort de réflexion de l'être humain qui peut atteindre la vérité comme elle peut atteindre le faux. Parce que l'insane, il se trompe. Quant à la religion, elle ne change pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est convenable à toute époque et à tout lieu. Et parce qu'elle est révélée venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est sage et digne de louange à Allah azza wa jal. الدين من الله، العقيدة الصحيحة من الله، المنهج السليم من الله، القرآن والسنة من الله، et ce qui vient d'Allah عز وجل est parfait. ولهذا يصون ويقولون عليكم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لا تحدث فهما من عندك أو من عند المتأخرين. Ainsi, soit sur le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs, et n'innove pas, ne rajoute pas, ne viens pas ramener une nouvelle compréhension qui se trouve auprès de toi, ou bien auprès de ceux des temps dans lesquels on vit. Wa qawluhu aw ahadun min al-ulama, ay qala aw ahadun min al-ulama al-muhtabarin min al-a'immati alladhina yasiruna 'ala manhaji as-sahabati wa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li annahum humur ruwatu 'an as-sahaba wa as-sahabatu humur ruwatu 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien quelqu'un parmi les savants. Hein, ne te précipite pas, il faut que tu vois est-ce qu'il y a un savant qui dit ce que tu dis ou ce que tu as entendu dire. C'est-à-dire parmi les savants hein, qui sont ancrés dans la science et les savants qui sont sur le manhaj, la voix des compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, car ils sont ceux qui ont rapporté des sahaba et les sahaba sont ceux qui ont rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Wa qawluhu fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bihi idha wajadtahu muwafiqan liqawlihim fatamassak bihi, yani bi hadha al-kalam. Et si maintenant tu vois que cette parole elle est convenable, elle est appuyée par l'ulama, elle est appuyée par les sahaba radiallahu anhum avant, salaf al-umma wal a'immat al-salaf, alors prends-la cette parole et accroche-toi à cette parole et ne la lâche pas. Et ne délaisse pas la parole de l'ulama pour la parole d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Wa qawluhu wa la tujawizhu li shay, yani wa la tujawiz qawl al-salaf li ra'i fulan wa fulan mimma jaha ba'dahum. Hein, ne délaisse pas la parole de salaf pour la parole de quelqu'un qui est venu après eux. وقوله ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار ولا تختر على ما جاه عن السلف شيئا مما جاه به المتأخرون فتسقط في النار لأنك خلفت طريق الجنة وطريق الجنة هو ما عليه. قال الله تبارك وتعالى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذا هو طريق الجنة وما خالفه فهو طريق النار والله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبيل الله واحد أما غيره فهي سبل كثيرة كل شيطان له سبيل ولو طريق من الشياطين الإنس والجن فهي طرق كثيرة توقع من يسلكها في حيرة لكن الصراط المستقيم واحد ليس فيه اختلاف ولا تضيع إذا سلكته أبدا. Donc ensuite il a dit l'imam Barbahari rahimallah, et ne lâche rien de ça parce que sinon tu vas finir et tu vas prendre un chemin qui mène à l'enfer. Hein, ne lâche rien de ce qui est venu des salafs pour quelqu'un qui est venu après. Pourquoi ? Parce que sinon tu te retrouveras dans un feu. Pourquoi ? Parce que tu auras contredit le chemin du paradis. Or le chemin du paradis, c'est ce sur quoi étaient, comme Allah Azza wa Jalla a dit, ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et le chemin, c'est ça le chemin du paradis. Quant à celui qui contredit le chemin du paradis, alors il est sur le chemin de l'opposé, le chemin de l'enfer, wali'adhu billah. Nassallahu alayhi wa sallam, alayhi wa sallam. Car Allah Azza wa Jalla a dit, et voici mon droit chemin, suivez-le, et ne suivez pas les chemins, car vous allez diverger de mon droit chemin. Le chemin d'Allah est un seul et unique. Quant aux autres chemins, ils sont nombreux. Et il y a sur chaque chemin un diable parmi les djinns et parmi les ins, les hommes. Et ces chemins sont très nombreux, et en vérité, ils ne mènent qu'à la perte. Alors que le chemin droit est un seul chemin, et il n'y a pas de divergence là-dessus. Il n'y a pas de divergence là-dessus. L'aqida, l'aqida. Wal-manhaj, wal-manhaj. L'aqida, c'est l'aqida. Allah Azza wa Jal nous a montré c'est quoi l'aqida. Fi kitabihi. Al-imanu billah wa malaykatihi wa kutubihi wa rusulihi. Alim salatu wa salam. Wa al-yum al-akhir. Wal-qadar. Fi khayrihi wa sharrihi. Hadi l'aqida tu s-sahiha. ومنهج السلم منهج الصحابة عليكم بسنتي يعني عليكم بمنهجي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عليكم بسنتي يعني منهجي ومنهج الصحابة هل أنت على منهج أبي بكر الصديق بالمعنى هل أنت تفهم كأبي بكر الصديق هل تفهم بفهم عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم والصحابة والسلف كيف تفهم هذا الدين كيف تفهم هذه العقيدة كيف تفهم هذا المنهج السنة النبوية alors est-ce que tu les comprends comme Allah Azza wa Jal veut que tu les comprennes et son prophète sallam et ça y a que les ulama qui pourront te l'expliquer parce qu'aujourd'hui on est à une époque on dirait les ulama c'est rien c'est des gens comme nous. On en arrive même à croire que Ba'dun Nas, ils sont arrivés au niveau des ulama. Ils sont très proches d'eux dans l'ilm. Batil. Wallahi batil. Ça, c'est des gens, ils ne savent pas c'est quoi des ulama. Warathatul Anbiya. Ça veut dire ce que ça veut dire dans le hadith. Les héritiers des prophètes. Comment vous osez prendre des ignorants et en faire des héritiers des prophètes? Ces gens-là, ils n'ont rien partagé de l'héritage du prophète, alayhi salatu wassalam, avec ces ulama. Rien. Rien. كيف هذا؟ احترام العلماء. Le fait de respecter les savants. من أنت يا أخي؟ ومن أنا؟ Comment on a pu élever des gens au niveau des ulama? كيف هذا؟ Parce que les gens ils les ont tellement aimés qu'ils les ont élevés. Les gens ils savent même pas c'est quoi l'ulama, ils savent pas c'est quoi l'ilm. Qui pense que celui qui parle beaucoup, ça y est. Min shuyukh. Quand on entend du'at, Sheikh Foulain, il accepte qu'on l'appelle Sheikh. Et il insiste là-dessus. Na'am, c'est une marque de respect, il n'y a pas de mal. Wallahi, man anta ya akhi. Kayfa hadha? Comment tu peux accepter une telle parole? Si un vieux, il vient, il t'appelle Sheikh, c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que pour nos personnes âgées, celui qui fait le Jumu'ah, celui qui fait Salat, que tu le veuilles ou non, il va t'appeler Cheikh. Que tu le veuilles ou non. Quelquefois, c'est pour l'âge. La personne, elle est âgée, on l'appelle Cheikh. La baisse. Mais quelqu'un comme nous, Wahadi vient, il est Cheikh. Je veux qu'un fakat. On traduit, ça s'arrête là. Arrête d'élever les gens, arrête de les mettre à une place qu'ils n'ont pas. Et arrête de rabaisser en même temps. Juste au milieu. On dirait, subhanallah, fi hadha al-zaman, fi hadha al-makan, on dirait, le ulama, il n'y a plus d'ihtiram. Les gens ne savent pas c'est quoi des ulama. Et tu remarques que ceux qui parlent comme ça, c'est des gens qui n'ont jamais vu le ulama, qui ne se sont jamais assis devant eux. En vérité, ils ne savent pas c'est quoi. C'est des noms pour eux. Des noms sur un livre. Il n'a pas vu de ses propres yeux. Al-Malaïka. Qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur l'ulama? Les anges y viennent, ils parcourent la terre. Dès qu'ils trouvent une assise, qu'ils trouvent l'ulama, ils parcourent la terre, et ils rabaissent leurs ailes par humilité devant eux. Comment toi tu peux, en sachant ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment tu peux comparer insan jahil, même s'il a du hizb, même il a tout ce que tu veux, avec l'ulama? Comment tu peux appeler les gens à revenir vers toi tout le temps sans revenir à l'ulama? Malaika, c'est devant toi qui baisse les ailes ou c'est devant l'ulama? Quand on dit talib al-ilm, pas le mustafid, celui qui vient, qui écoute de temps en temps et qui s'en va. Là. Ça prouve que les gens, ils ont ce jahl, cette ignorance dans ce sujet. Donc le droit chemin, c'est un chemin qui est droit, dans lequel il n'y a pas de divergence. Hein? Sans revenir sur la parole de l'irtilaf, comme l'a mentionné Cheikh Ibn al-Uthaymeen, la différence entre le khilaf ou l'irtilaf, c'est que le khilaf, il ne fait pas une division. Hein? Il n'a pas comme conséquence une division. Alors que l'irtilaf, il a comme conséquence la division de la umma. Or sur ce chemin, sirat al-mustaqim, la irtilaf. Il n'y a pas de divergence. Le manhaj, c'est le manhaj, l'aqida, c'est l'aqida. Tawqifiyya, tu ne peux pas, c'est comme ça, c'est un islam, tu t'y soumets et ça s'arrête là. Et tu dois comprendre, al-fahm. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Barakallahu li wa lakum.